Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur les ondes de RLM dans l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs, évidemment, donc de 20h à 22h, avec un grand retour de vacances. Il est là, et oui, il est revenu, tout bronzé. C'est notre Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, comment ça, Sherlock? Ça va et toi? Ouais, nickel. Écoute, on voit que tu as pris des couleurs, tu as minci, je trouve. Ah bon? Ouais, non, je plaisante, je déconne. Alors, Sherlock, bah, tu nous parleras très rapidement de tes vacances, bien évidemment. Mais ce soir, on te retrouve pour... Pour deux chroniques. Le rétro ciné 80, venant pas 80, parce que quoi que si, ce sera 80 cette année. Ok. Enfin, pas cette année. Le corps est revenu, mais bravo, c'est ça, l'esprit est encore en vacances. Non, effectivement, donc je vais faire une chronique ciné rétro, rétro ciné, voilà. Et une chronique où je vais parler des sorties ciné, donc de demain. Je te trouve bien proche de moi quand même. Oui, bah vraiment. Oui. Tu pourrais pas reculer un peu. On est aussi également. On fait des petits aménagements. Donc ouais, voilà, ouais, je vois ça. Ouais. Et nous sommes aussi également avec la voix féminine qui est avec nous depuis quelques semaines maintenant. C'est Marine que vous commencez à connaître. Bonsoir. On entend régulièrement. Bonsoir Marine. Bonsoir, ça va? Bah ouais, très bien. Toi, tu vas nous parler d'un événement qui aura lieu sur Moucron, tiens. Ouais, les 24 heures à partir du 28 septembre. Bon, bah tu nous parleras de ça. Il y aura aussi également, je pense, que t'as un petit coup de cœur pour... Igitt, le chanteur, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Pas de Igitt Pop. Igitt, juste Igitt. Je crois pas. Nous sommes aussi également avec le ténébreux, le beau, le magnifique, l'indésirable Canon. Résonnant, t'as oublié. Bonsoir le monde, bonsoir l'Europe. Bonsoir Nicolas Hulot qui va avoir le temps de nous écouter là maintenant. Ah ouais, bah, voilà. Absolument. Bon, tu nous as préparé une petite chronique. Ouais, je vais vous parler de Grease, non pas de la chemise, mais ouais. Voilà, de la comédie musicale. Je vais vous en parler musicalement et puis vous donner des petites choses que j'ai apprises moi-même. Alors vous les connaissez peut-être, mais je ne pense pas. C'est assez insolite. Sur la... écoute, ça marche. Ouais. Ça marche. Et ben, ce sera juste après ça. Et oui. Faut peut-être expliquer attends, aux auditeurs pourquoi on rigole. RLM s'est doté d'une très très belle table maintenant, voilà, qui est vraiment une table radio. Puis il y a Sherlock, ben, le micro pour l'instant est un peu court et Sherlock est court aussi. Bon, donc, disons pour dire que j'ai mon bras qui est complètement à droite et ma bouche qui est complètement à gauche. Oui, enfin ça n'a rien à voir avec le micro. Allez, vas-y. 107.9 FM. Sur la fréquence, premier sur les hits, RLM, tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours. RLM, 107.9 FM. Et bien sûr, c'est toujours aussi bon, et j'espère que vous êtes tout autant heureux que nous de nous retrouver donc dans l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis, avec Canon, avec Marine, avec Sherlock, son grand retour, qui nous revient de vacances. Alors évidemment, on va forcément te cuisiner, mon ami, t'es parti où ? Alors je suis parti une semaine en Charente-Maritime. Ah, ça fait rêver. Ouais, bon, c'était un petit village un peu paumé, hein, ça s'appelle Archinger. Ah, ça fait rêver. Ouais, ça fait rêver. C'est la région de La Rochelle. Ouais. Et ensuite, je suis parti dans la capitale de l'Espadrille. Oh, c'est pas vrai. À Mauléon-Lichard. Ouais. Ah, ça s'appelle comment ? Mauléon-Lichard. Ah, d'accord. Et t'en as acheté Espadrille ? Non, du tout, non. Ah, ouais, d'accord. Non. J'ai été traumatisé par la pub des nuls qui disait en Espadrille, tu pues des pieds, donc j'en ai pas acheté. Ouais, non, mais Espadrille, tiens, dis donc, c'est un vieux truc, ça se porte encore. C'est Espadrille ? Oui, bien sûr. Bah, oui, ça se vend super bien. Ah, c'est vrai, sérieux ? En France ? Oui, oui. Moi, je sais pas, mais. Dans les souks. Marie, tu portes encore des espadrilles ? Non. Bon, ah, ça va. Mais tu sais qu'ils font des espadrilles montantes maintenant et tout, avec des talons et tout. Là, t'as... Ouais. Non, c'est un truc de fou. Ouais. J'ai halluciné, ils font des espadrilles de toutes les couleurs. Ah bah ouais, mais ça je me doute, mais bah, des, je sais pas, moi je plein de motifs, même des argentés, des trucs comme ça, c'est... Ouais, moi j'aime pas tellement, honnêtement je trouve ça un peu c'est old school. Je te vois très bien en espadrille argentée. Ah ouais, carrément, carrément. Ah bah écoute, bah, donc t'es bien reposé, tu reviens, ouais, ça va. Tu nous reviens en forme. Oui, en forme de quoi, je sais pas, mais je suis archingé. Voilà. Il va falloir prendre chronique. En Charente-Maritime. Ouais. En fait, je suis arrivé là-bas, j'ai archingé tout de suite. En tout cas, on est content que tu sois là pour deux choses. La première, bah, parce que tu fais partie de l'émission et puis tu nous as manqué. Et puis c'est surtout que la technique, bah, ça a été compliqué pendant les deux semaines. Vous êtes pas gentil, vous êtes pas gentil parce que voilà, toi t'es parti une demi-heure avant et c'est Marine qui s'occupait de la technique. Ouais. Elle a assuré. Et voilà, il y a eu un, voilà, il y a eu un petit blanc de 10 secondes à la fin et c'est aussi ma responsabilité. J'étais là et puis on n'avait pas trouvé le bon bouton. Ouais, voilà. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent évidemment. Alors, on va se refaire une petite coupure musicale parce que juste derrière, on va retrouver Canon qui va nous parler de Grease. Ouais, je vais vous parler de Grease, donc la comédie musicale, mais aussi la musique, comment elle a évolué et des petits tips sur le. Des tips. Ouais, des tips, des astuces. Ouais. Voilà, sur le. Sur le film, sur la musique, sur John Travolta, etc. Ah, bon, on va adorer ça, c'est juste après ça. Bon, on va passer une petite musique qui va faire plaisir à Arnaud Tirard des matinales. François Valéry. Eh oui, et mon nous vivant. Et mon nous vivant. Et ensuite, on reviendra avec le son belge de Machiavel avec Fly. Faudra lui mettre Dreaming Blue aussi un jour. C'est François Valéry qui avait fait avec Sophie Marceau. Bien sûr, je rechercherai ça. Ah ouais, très beau duo. Emmanuel aussi. On pourra lui mettre ça pour Arnaud. Emmanuel. Ah oui, non, d'accord. Emmanuel. Non, moi, je pense à Mélodie d'amour, chante le corps. Non. On n'a pas la même culture. On connaît rien du tout. Moi, je pensais au film. Mais c'était la BO du film d'ailleurs. Bah oui, bien sûr. Depuis le temps que tu me demandes de le faire, ce film. Non, pas de le faire, de faire une chronique. Rocky Siffredo. 100% hit RLM 107.9 FM. Fly, wanna fly. It's been a long time, I'm waiting for you at night. FM. RLM. Arrête. Donc oui, effectivement, c'est... Vous faites chier. Qu'est-ce qui t'arrive, Sherlock? Là, j'aime bien quand il rigole, on dirait Bouffi Bouffon. C'est ça, ouais. Donc, oui, là, c'était donc le groupe Machiavel, un groupe belge des années 80, avec le titre Fly. Là, j'adore. Fly into the moon. Ah bah tiens, c'est Canon, t'as la parole, garde-la. Je parle de quoi? De Grease. Oui, je vais vous parler de Grease. Tout le monde connaît Grease, j'espère. Bon, ah oui. De mémoire. Absolument. Ouais. Eh ouais, eh oui, oui, oui, c'est de 78. Ah ouais, eh oui, 78. Ah bah oui. Alors il faut savoir, bah oui, Grease, donc c'est enfin 72 en comédie musicale, la première fois par Broadway. Et en fait, ils ont fait l'adaptation du film connu avec Olivia Newton-John et John Travolta pour les plus connus. Mais je vais parler du reste. Alors avant tout ça, je vais déjà parler de la chanson. Vous la connaissez? You're the one what I want. Absolument, parce qu'il y en a deux en fait qui sont très très connus. Mais c'est donc You're the one what I want. Et je vais vous la traduire, d'accord? Et est-ce que vous en avez déjà compris le sens? C'est John Travolta donc qui parle directement à donc sa petite amie. J'ai eu des frissons qui se sont multipliés et je suis en train de perdre mon sang-froid parce que le pouvoir que tu me fournis, il m'électrifie. Tu ferais mieux de retrouver la forme parce que j'ai besoin d'un homme. Et que mon cœur a jeté son dévolu sur toi, tu ferais mieux de retrouver la forme et de comprendre que, à mon cœur, je dois être fidèle. Rien d'autre à dire, tu es celui que je veux, la personne que je veux, la personne que je veux, la personne dont j'ai besoin. Ah, c'est ce qu'on va dire ce soir, tiens. Absolument. Oh oui, effectivement, si tu es rempli avec de l'affection, que tu es trop timide pour transmettre, pars dans ma direction et cherche ton chemin. Je ferai mieux de retrouver la forme parce que tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un homme qui puisse te garder satisfaite. Ça, on n'a pas dû te le dire. Non, tu ferais mieux de retrouver la forme. D'ailleurs, tu vas le prouver. Et tu ferais mieux de prouver que ma foi en toi est justifiée. En es-tu certain ? Oui, j'en suis certain au fond de moi. Tu es celui que je veux, la personne que je veux, la personne que je veux. You are the one that I want. Voilà, donc vous la connaissez tous, oui, et toutes, évidemment. C'est une chanson donc, du film Grease, donc absolument sortie en 78, qui a été interprétée par le duo John Travolta et Olivia Newton-John. Est-ce que vous savez par qui elle a été écrite ? La chanson ? Si, je crois savoir, moi. C'est un des mecs qui chante dedans, d'ailleurs. En fait, c'est le guitariste du groupe des Shadows. Ah bon ? Eh oui. Ah ouais. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que bah, j'étais surpris aussi, parce que je pensais que c'était un des artistes qu'il avait écrite. En France, il faut savoir que ça s'est resté en 78 pendant 9 semaines et ça s'est vendu, selon le site Infodisc, à 1,8 million d'exemplaires à l'époque. Hein. Ah ouais, en vinyle. Vinyle. Ah bah ouais. Et j'allais dire presque ancien vinyle, parce que c'était pas courant, on n'est pas dans les années 80-85 où tout le monde avait son petit vinyle. Donc, alors moi déjà je vais la refaire en deux fois cette chronique, je vais vous passer un extrait, c'est un mix alors qui n'est pas piqué des verres puisque j'ai repris en fait un mix de Summer Nights qui est la seconde chanson, c'est pour The ça Summer Summer. Oui, à part que celle-ci sera chantée correctement. Voilà, celle-ci sera chantée correctement et j'ai moi-même en fait mixé avec un autre mix, donc en fait c'est trois mix, c'est trois mix in the mix, okay. Avec c'est le boot du reboot. Voilà, et c'est dans qui est fait par le DJ Stayback. Alors je sais que t'aimes pas trop ce qui est rythmé, mais là c'est pas de la techno, c'est l'original mais qui a été punché. Voilà. Ouais, ouais, et je vous reprends après ça pour vous donner des anecdotes sur cette comédie musicale. Là. Ça marche. Thank you. Une version donc de G6 Layback, hein, voilà, qui a été remixée. J'espère que ça vous a plu, ça remet un petit peu la chanson punchy. Vous rappelez-vous de Grease Histoire, donc un petit peu? Oui. Allez, oui, absolument. Un petit peu. Alors donc, je vous rappelle pour nos auditeurs, en 1958, il y a Sandy Olson, une lycéenne australienne en vacances aux États-Unis, qui rencontre Danny Zuko, le chef de la bande des T-Bird, et la fameuse rencontre mythique se solde par cette chanson emblématique qu'on vient d'entendre. Sandy reste aux États-Unis et intègre, mais sans le savoir, la même école que Danny. Elle y rencontre un groupe de filles, les Pink Ladies, et tout le film, en fait, Grease tient ce fil. Grease, c'est en fait Olivia Newton-Jones et John Travolta qui, sans savoir, sont très très proches dans l'école mais se rencontrent pas, et ils racontent chacun en fait à leur manière en fait leur propre histoire qui évidemment se rejoint. Donc ils finissent par se rencontrer et décident de reprendre leur relation bien que tout les oppose. En parallèle se joue aussi la rivalité entre le gang de Danny, les T-Bird, et le gang des Scorpions. La course de voiture dans laquelle ils s'affrontent sera déterminante. Voilà, c'est un peu l'histoire du film. Il y a des insolites sur ce film, et je crois que Sherlock va être à l'écoute puisque tu es passionné là-dessus. Oui, bien sûr. À savoir sur le casting, est-ce que vous saviez qui était pressenti? Un grand, grand monsieur à l'époque. Hein. À la place de John Travolta? Ouais. Non. Il a refusé, non, c'était Henry Winkler qui était la plus grande star avec son personnage de Fonzie. Ah bah oui, qui était producteur de MacGyver d'ailleurs. Absolument. De MacGyver, hein. Voilà, il a refusé tout simplement parce que bah c'était trop similaire au rôle de Fonzie, voilà, et ça aurait fait une star. Alors il faut savoir aussi que Shokar Shanning, qui incarne Rizzo, est l'actrice la plus âgée qui a joué une adolescente, donc de tout l'art du cinéma. Ah, j'adore. Elle avait 34 ans à la sortie du film, et en fait, elle joue une adolescente de 17 ans. Bah, Olivia Newton-John n'était pas plus jeune non plus, si. Bah non, les partenaires n'avaient pas beaucoup plus jeunes. Travolta avait 24 ans, Olivia Newton-John avait 29. Enfin, elle en avait quand même déjà 34. Ils avaient vachement redoublé. Ça c'est clair. Tu vois leur âge, non mais... Et pour terminer, une petite anecdote, mais qui va vous donner l'envie peut-être de revoir le film pour faire votre propre opinion. À la fin de Grease, Danny et Sandy en fait montent à bord d'une décapotable rouge. Oui. Qui s'envole. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, alors on se dit, ok, pourquoi? Donc elle défie les lois de la gravité, mais comment elle peut voler? Alors il y a une explication qui fait le tour du web, oui, et qui a été faite avec l'équipe du réalisateur, etc., qui aurait lancé un petit peu le truc. Au début du film, on voit Sandy et Danny se rencontrer sur la plage. Plus tard, Danny en fait la sauve de la noyade, mais comme ils se sont rencontrés pour la première fois, lui sauve la vie. Mais c'est là en fait peut-être l'esprit de Grease, c'est qu'en fait Sandy s'est bien noyée ce jour-là sur la plage, et en fait est en plein coma, donc elle est en train de délirer et repasse en fait toute son histoire dans sa tête où elle rencontre Danny. Ah, elle voit aussi évidemment la sauver, et donc c'est pour ça qu'à la fin elle se voit monter au paradis, puisque avec John Travolta, avec John Travolta bien sûr. Donc le film entier serait donc le rêve d'une femme qui est en train de se noyer, qui est en train de mourir, et donc il l'aurait peut-être pas sauvé, ce serait peut-être noyé avec elle. Ou il aurait peut-être, absolument. Donc c'est l'esprit du film, absolument. C'est une anecdote sympa. Donc oui. Tu me disais, alors non, hors antenne, ça m'intéressait, j'avais pas l'info. Donc c'est vrai. Que oui, alors on confirme. La genèse, c'est que donc Grease en fait est venu d'une comédie musicale à Broadway en 72, et donc le John Travolta a joué dans cette comédie musicale en tant que danseur. Et bizarrement, mais il n'apparaissait absolument pas. Et par contre, tu me disais Danny, le premier rôle, oui, c'est Patrick Swayze. Ah, excellent. Ah. Voilà, donc Patrick le rôle Swayze tenu par John Travolta. Et la chorégraphe était Patsy Swayze, sa maman. Et donc, il a démarré sa carrière comme ça. Alors, il a démarré sa carrière en tant que danseur pour Patrick Swayze, pour oui, Disney. Il dansait très bien. Hein. Et ensuite, dans Grease. Et curieusement, c'est vrai qu'on ne le voit pas dans la distribution du film. Non, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Mais rappelons aussi qu'on retrouve aussi, alors tu vas me rappeler son nom, Sherlock, le rebelle dans Grease. Ah ouais? Bien sûr. Je me souviens pas du tout. Absolument, si, bien sûr. Qui faisait Vincent Black. Oui. Comment il s'appelle lui déjà? Attends, je te dis ça. Vincenzo Lamas. Eh ben, voilà. Vincenzo Lamas a démarré dedans. Voilà. Est-ce que vous savez? Est-ce j'aime que bien, vous savez qui fait attends, j'ai sur Google. Vincenzo, par contre, à savoir justement, il était tellement celui dont vous me parlez, le nom me revient, il était tellement amoureux d'Olivia Newton-John, et ben qu'il a épousé sa sœur. C'est vrai. Il a, oui, c'est vrai, bien sûr. Bah oui. C'est ça, Lorenzo. Je suis dans une chronique. Je sais pas vous sortir. Une chronique. Donc voilà. Bah, j'espère que ça vous a fait plaisir. Donc je vous invite à regarder ce film qui est pour moi mythique quand même. Il est vraiment bon. Il prend pas une ride parce que justement c'est quand même un des premiers films de comédie musicale pour moi assez abouti. Alors moi je vais vous laisser cette fois par contre avec une très très belle expérience audio que j'ai découverte, qui est pour ma part qui est une musique de rappeur. C'est rare qu'on parle de rappeur voilà, sur RLM, on en parle bien sûr, c'est une musique comme les autres, mais en fait c'est Snoop Dogg qui a repris en fait le gimmick et l'ambiance de You Are The One That I Want, et je ne sais pas si vous connaissez cette version là, et moi qui suis pas, c'est pas trop ma couleur le rap, et là pourtant c'est très très très bien fait de mon humble avis de musicien que je ne suis pas. Ça fait peur. Voilà. Allez, on vous reprend après ça. What will they say? Hit me! Da da da da da. Da da da da da. Yeah yeah yeah. Da da da da da. Da da da da da da. Yeah yeah yeah. Da da da da da. It's the one and only Digo Double G. Yeah. 89.9 FM. Avec House of Love, ils seront d'ailleurs les samedis 6 octobre à 20h au complexe sportif de Neschin. Oui, ça c'est... Neschin, d'accord, c'est pas loin. C'est bah non, c'est pas très loin. Et puis bah, en plus, c'est une super bonne nouvelle parce qu'ils se sont formés. Seventeen, ça date de... Oui, ça remonte. Non, non, non, ouais. Ah, ouais, absolument. Bah tiens, moi j'ai une petite... Ça consacre gratuit ? Excuse-moi. Non, c'est non, pas gratuit. 20 euros. Mais ça vaut peut-être la peine d'aller loin. Oui, oui, non, 20 euros, c'est accessible. C'était un groupe qui avait super bien marché. Tiens, je vais vous poser une colle, mais à mon avis, Sherlock va savoir y répondre. Donc, je te pose pas la question à toi, mais je pose la question donc, à Canon et à Marine. Je vais vous parler des États-Unis. Les deux crétins de la classe. Voilà. Voilà. Les deux derniers de la classe. Ceux qui sont dans le monde, c'est... Ouais. Radiateurs. Et les mais deux, vous là. Parlez, alors, on va parler de outre-Atlantique et je vais vous parler de numéro de téléphone. Oui. Jusque là, vous suivez, d'accord. Alors, évidemment, si vous avez bien. Toujours le préfixe suivant l'État, mais on s'en fout du préfixe. Oui. Voilà. Et si je vous dis le numéro de téléphone 555-0100, donc ce numéro-là, jusqu'au numéro 555-0199, quel est leur particularité de ces numéros de téléphone? C'est appel international, ça, 555? Oui, c'est aux États-Unis. D'urgence? Non. Bon, moi je sais pas là. Sherlock, il saurait répondre. Moi je dirais que c'est les numéros qui sont utilisés seulement pour les films au cinéma. Exactement. Pour voilà. Les films au absolument. Cinéma. Et oui, ces en numéros fait, n'existent pas en fait. Ils ont été pas. Créés que pour le cinéma. Ah, que d'accord. Pour le cinéma. Mais t'appelles qui au bout? Pardon? Personne. Personne. Ah oui, oui, d'accord. C'est ce qu'ils ah, utilisent ouais. Dans les films. En dans fait, les quand films. Ils doivent appeler quelqu'un, tu vois toujours qu'ils composent le 555 ah, oui, et un chiffre d'accord. Derrière. Et pour la petite anecdote, il existe aussi également en France un numéro qui est dédié pour le cinéma. Plusieurs numéros qui sont dédiés pour le cinéma. J'ai pas retrouvé l'info, hein, mais je la retrouverai pour l'occasion. Mais il faut savoir que il y a eu quand même pas mal de précédents là-dessus. En 2009, dans le film Bel Ami de Claude Chabrol, alors c'est un film assez particulier quand même. Avec Depardieu. Oui, absolument. Et bah là, il y a eu une montée en puissance parce que bah, le problème, c'est qu'il y a un numéro de téléphone qui est communiqué et qui est destiné à une personne. Ouais. Donc la personne était constamment appelée. Il y a eu le même souci dans Camping 2 où Franck Dubosc, sur sa voiture, sa Renault 21, avait noté un numéro de téléphone sur le côté. Et en fait, c'était un jeune d'une vingtaine d'années qui habitait du côté de Dijon, il me semble. Ah non, mais ça volante, imagine. Non, mais je parle avec. Ah oui, non, mais général, t'as un film avec une très belle femme qui laisse son numéro sur le truc, t'as tous les gars qui téléphonent. Et le pire dans tout ça, c'est qu'effectivement, donc, en allant chercher l'information, il y avait des appels intempestifs, bien évidemment, sur ce numéro-là. Et quand ils ont lancé le DVD, ça a recommencé. Ah oui, forcément. Donc, il y a eu la vente de DVD et il a été encore embêté parce que c'était un numéro qui était communiqué plusieurs fois dans le film et il était dédié donc. À une personne, c'est un numéro qui existait. Donc voilà, c'était. C'est assez fou. Enfin, tu diras encore eux qui donnent pas de vrai numéro, parce que quand tu vois le nombre de harceleurs qui font des faux profils, qui font des numéros, qui envoient des textos, des appels anonymes, absolument. Tu dis qu'il vaut mieux protéger. Ah bah, je sais pas, tu vois, je vais retenir ça, 555. Voilà. Et ben, rappelons quand même nos coordonnées si on a envie de nous appeler. Si celle de Charlotte, oui, bien sûr. Alors, le 056 34 11 81, si vous nous appelez de la Belgique. Et si vous nous appelez depuis la France, le 00 32 56 34. 11 81. Alors il y a bien sûr aussi la page contact hein, sur rlmradio.com et notre page 120 au compteur. On est nombreux hein, on est nombreux. Ouais, ça va depuis. Oui, oui. Ouais. On va se retrouver juste après une petite pause. L'eau ferrigineuse, c'est bien, c'est, ouais. Bien, c'est mieux. On va se retrouver juste après Frederick Goldman Jones avec Né en 17 à Leidenstadt. Alors Leidenstadt, en fait, c'est... On s'en fout, pas sa musique. D'accord. non, je déconne, vas-y. Et on reviendra avec un autre boys band non, des quoi, années... Bah, alors Leidenstadt, c'est un nom qui a été complètement inventé, en fait. Ah C'est... Non, c'est ça veut dire la ville de la honte ou quelque chose comme ça, je crois. D'accord. C'est Goldman qui a inventé cette ville. C'est intéressant. Et ensuite, on reviendra avec un deuxième boys band, parce que E17, c'était déjà un boys band à l'époque. Ah oui. Là, ce sera les Backstreet Boys. Oui. Avec Get Down, You're the One for Me. Ok. Traduction. Descends, t'es la seule pour moi. Ouais. Get Down. Ouais, j'ai vu ça. Allez, c'est parti. assez d'humiliation, de haine, d'ignorance, nourrie de rêves, de revanche. Aurais-je été de ces improbables consciences, larmes au milieu d'un torrent? Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une caste, aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir tant d'une main? Si j'étais né blanche et riche à Johannesburg, entre le pouvoir et la peur, dans les jantons de ces cris portés par le vent, rien ne sera comme avant. On saura jamais ce qu'on a vraiment dans nos ventres, caché derrière nos apparences. Le mot d'un brave ou d'un con, soudain pour ou le pire ou le plus beau, ce lien de route à qui résiste bien les moutons d'un tour. S'il fallait plus que des mots, si j'étais né en 17 Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Mais qu'on nous épargne, toi et moi, si possible, très longtemps. Non mais il fout du mon mieux ou quoi? Non mais j'hallucine. Mais il a vraiment remis son micro en fait. Ils nous l'ont changé, bien sûr, les micros sont mis là. Non mais bravo. Alors chers auditeurs, vous êtes toujours sur RTL, dans les grosses têtes. Les gros bides, ouais. Non, il faut dire qu'on mange bien en fait. Ouais bah bon. Allez Sherlock, sois sérieux quand même. Oui. Il va pas pouvoir là. T'as vu là, j'ai réussi à être sérieux pendant 3 secondes. Ouais. Tu vas recevoir un mail toi ou quoi? Continue hein. Ouais, bah ok. Alors, donc je vais vous parler d'un film des années 80, et plus précisément de l'année 1981. Alors, est-ce que ça a dit quelque chose? Non, j'allais dire... 1981, ouais, bah c'était une année... Alors, c'est un peu gênant quand même, hein, ce micro. Donc ça date précisément du 25 mars, pardon, 1981. Le film a fait 505 031 entrées au box-office français. Et il a reçu quand même, attention, tenez-vous bien, 19 prix, dont 2 Oscars et un Golden Globe. Et 15 nominations aux Golden Globes, aux Oscars et aux BAFTA. Ah oui, quand même. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un film de science-fiction, alors? Pas du tout. D'accord, bah BAFTA, c'est pas ça? Non, c'est Saturne. Ouais, d'accord. C'est Saturne. Okay. Alors, ça vous dit rien du tout? Non, bah non. Bon, ok. Je vais vous passer un premier extrait et vous allez me dire si vous reconnaissez. Je reconnais. Just a gigolo. I'm just a gigolo. Effectivement, c'est Louis Prima. Ouais. Alors donc c'est Louis Prima qui chante Just a Gigolo. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Est-ce que ça vous a fait penser à Canon? Mais après le film non. Ça a pas rapport avec une piscine? Ah oui oui. Et de la danse non, la danse synchronisée. Ah quoi, voilà, tu penses ça. Non. Bah je sais pas le titre, mais ça me fait penser une scène comme ça. Non. D'accord. Non c'est pas ça. Non ça ne dit rien. Bon bah vas-y on a... Et c'est un film d'époque ou pas? Est-ce que ça a un rapport avec Louis Prima ou pas? Non. C'est pas un film d'époque. On utilise cette chanson-là, ça mais. Se passe, je vais dire dans les années. C'est dans les années 50-60, je pense. Ouais. C'est pas un film d'animation? Pas du tout. D'accord. Non, c'est pas. Alors écoutez le deuxième extrait, c'est celui-ci. Ton mec, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il m'a fait le coup de ce qu'on appelle la douche écossaise. L'eau chaude, c'est. Tu auras l'occasion d'aller au titre. Et l'eau froide, il te demande de te coucher. Alors profite. Et à part ça, quoi de neuf? Qu'est-ce que t'espérais? Tu le sentais pas venir? Des fois on gagne, des fois on perd. Cette fois on perdra. Le rire peut-être vous aider. Le dernier rire qu'on entend. Bah, c'est un film sur un boxeur. Petit, non, non, il est pas petit, non. C'est un film sur un boxeur. Oui, c'est un film sur un boxeur. Est-ce que c'est un film en noir et blanc? Oui, c'est un film en noir et blanc. Bah oui, évidemment. Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu... Je sais pas ce qui se passe techniquement là, mais... Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu sur Roubaix? Oui, oui, bah, oui, oui, bah oui, voilà, oui, donc je vois ce que c'est. Très bien. Ouais. Il est venu sur Roubaix, effectivement. Ouais. Ouais. C'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. Bon, bah, tu veux que je donne le titre ou quoi là? Non, je vais vous passer à notre extrait. Il est décédé depuis. Je vois que Marine est un peu en train de patauger. Un petit peu, ouais. Alors. Faut serrer les dents. Je vais dire un truc. Si j'apprends quoi que ce soit sur la tête de notre mère, je te jure que je fais un malheur. Je buterai n'importe qui, Joey. Mais vas-y, fais un massacre. T'es un fier à bras. Vas-y, bute tout le monde. Tu Vicky, tu Salvi, tu Tommy Como, tu moi, tant qu'à faire, je m'en fous. Tu te tues toi-même en bouffant comme un chancre. Tu pètes de partout, regarde-toi. Qu'est-ce que tu veux dire là? Je te suis pas. Pourquoi je te buterais toi? Toi, t'as baisé ma femme. Quoi? T'as baisé ma femme. Et c'est toi qui oses me poser cette question? Tu oses demander ça à moi, à ton frère? Et tu demandes ça? Mais faut que t'en aies une foutue paire pour me demander ça. Alors, effectivement, c'est plus parlant en anglais, cette phrase. Ouais, ouais. La phrase, t'as baisé ma femme. Ouais, bah c'est sûr que... You fuck my wife. C'est ça, effectivement, you fuck my wife. Qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans des comédies, dans des parodies, cette fameuse fun scène où... voilà. Effectivement, bon, je vais vous lancer le thème du film et je vais vous parler du film, justement. Alors, donc, le film, ça retrace les moments forts de la carrière flamboyante de Jack LaMotta, champion de boxe poids moyen. Issu d'un milieu modeste, il fut le héros de combats mythiques, notamment contre Sugar Ray Robinson et Marcel Cerdan, qui le mèneront au titre de champion du monde des poids moyens. Autodestructeur, paranoïaque, déchiré entre le désir du salut personnel et la damnation, il termine son existence bouffi en tant que gérant de boîte de nuit et entertainer, quand l'ascension et le déclin d'une vie deviennent épopées. Il a fini comme ça, lui. Eh ouais. Ah oui, oui. Ah ouais, c'est dommage. On le voit dans le film, d'ailleurs. C'est dommage. Alors, est-ce que... Bah oui, évidemment. Bah oui, ça me parle. Moi, non. Bah oui. Alors, tu veux le titre ? Ben bien sûr. Bah, t'as donné. J'ai plus le titre du film. Moi, je peux te donner, si tu veux. C'est pas Tyson. Raging Bull. Ouais, c'est Raging Bull. Raging Bull, effectivement. Ben oui. Alors, on va s'écouter juste une petite chanson, et on revient juste après. Et je vous parlerai un petit peu de quelques anecdotes du film. De tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me passer de toi, comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me passer de toi. N'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi. Je peux très bien me passer de toi. Tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça, ton indifférence, elle ne me touche pas, je peux très bien me comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, je peux très bien me passer de toi, comme envie de sang sur les murs. Ça, c'était la Mano Negra avec Pas assez de toi. Et je vais vous donner donc quelques petites anecdotes en rapport avec le film Raging Bull dont on vient de parler. Donc, au cinéma, deux répliques font le bonheur des amateurs de classiques américains cultes. Répétez maintes fois, donc You Fuck My Wife, on a entendu donc là en français dans le film, et You're Talking to Me, qui se vole la vedette en matière d'imitation virile plus ou moins réussie de Johnny Depp. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui pensent que ça vient de Taxi Driver. Mais ça. Alors, c'est récurrent. Alors donc, y a le You Fuck My Wife, c'est de Raging Bull, et le You Talking To Me, c'est de Taxi Driver. Oui. Ah oui, mais donc dans Raging Bull, tu as aussi You Talking To Me. Oui, You Talking To Me, non, il n'y a pas. Non, c'est dans Taxi Driver. You voilà. Talking To Me, mais tout le monde croit. Alors, que justement, il continue avec Fuck My Wife, mais ce voilà. qui est dans Raging... C'est ça, quand il est dans sa glace et qu'il fait You Talking To Me, ça c'est dans Taxi Driver. Ok. Alors donc si les deux célèbres phrases sont de Robert De Niro, une seule, donc la seconde, vient de la scène du miroir de Taxi Driver, l'autre est prononcée dans Raging Bull face à Joe Pesci. Demi-échec commercial lors de sa sortie en salle, donc je vous rappelle, il n'a fait que 550 000 entrées. Peut-être dû au fait que le film était en noir et blanc, Raging Bull a tardivement atteint son statut de film culte, à tel point qu'il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs films de boxe à avoir été jamais réalisé. En 2013, Robert De Niro parodie son rôle de Jake LaMotta dans le film Match Retour en incarnant Billy the Kid McDonnell, un sexagénaire à qui on propose de prendre sa revanche sur Henry Razor Sharp, interprété par Sylvester Stallone, ce dernier parodiant son rôle de Rocky Balboa. Ouais. Pas terrible d'ailleurs. Non, c'est vrai que le film a pas été très bien accueilli. Martin Scorsese donc déclara plusieurs années après la sortie du film que Robert De Niro lui avait certainement sauvé la vie en lui proposant ce projet. En effet, cela a permis à Scorsese de reprendre son activité après une hospitalisation à cause de la cocaïne en 78. Ah oui. Alors que Robert De Niro tient le rôle principal, la production cherche tout d'abord l'acteur qui incarnera son frère Joey. En regardant le film à petit budget The Death Collector qui est sorti en 76, Robert De Niro découvre Joe Pesci alors peu connu. C'est ce dernier qui suggérera le nom de Cathy Moriarty pour jouer le rôle de la femme de Jake. Il propose aussi Frank Vincent, et non pas Frank Vincent, avec lequel il avait tourné The Death Collector pour le rôle de Salty Bats. Après une audition et des essais filmés, Frank Vincent obtient le rôle. Charles Scorsese, le père du réalisateur, tient son premier rôle avec Frank. Il est Charlie, le cousin de Tony Comeau. Et enfin, donc, l'une des caractéristiques principales de Raging Bull tient dans la manière dont sont filmées les scènes de combat. Martin Scorsese, dans un souci de réalisme, a utilisé une technique particulière. Donc les combats, contrairement aux autres films de boxe, ne sont pas un simple montage de plusieurs séquences, filmées par de nombreuses caméras placées hors du ring. Ici, le réalisateur a décidé de n'utiliser qu'une seule caméra, placée à l'intérieur même du ring, à la façon d'un participant direct au combat. Une telle technique est cependant fastidieuse car elle demandait un jeu précis de la part des acteurs, devant se placer au bon endroit et exécuter rigoureusement les mouvements prévus. Bah, j'ai peut-être pété la caméra, mais... bah, forcément. Bah, oui. Et c'est cette difficulté qui explique la durée importante du tournage consacré aux seules scènes de combat qui, bien que n'excédant pas 10 minutes, il n'y a pas plus de 10 minutes de combat, dans la durée totale du film, ont demandé pas moins d'un mois de tournage. Non, ça ne surprend pas. Oui. Bah oui. Voilà. Si on veut accrocher, ça soit Raging Bull, il y en a encore d'autres, mais il y a. Bah, c'était pas mal. C'était oui. Vous avez aimé ce film ? Non, moi j'ai pas aimé. Oui, moi non plus. Alors, c'est pas. Ouais, c'est pas celui que je considère comme un monument. Il fait partie des films mythiques. C'est devenu un film. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je le trouve pas. Je pense pas que ce soit le meilleur film sur la base. Oui. Et de Robert De Niro. Et de Niro non plus. Voilà, on est d'accord. D'accord. Non. Regarde-le pas. Bah si, au niveau culture, c'est bien de l'avoir vu une fois, mais bon. Comme le silence des agneaux. Oui. Bon, Sherlock ? Oui. Merci. Musique ? Je vous en prie. Allez, avec la fin de la fin du monde. Ah mais d'accord, c'est quoi ce truc ? C'est Calogero. Ah, d'accord. Et on reviendra avec un autre titre que je n'ai pas encore décidé. Ce sera la surprise. The Ending History. Allez, vas-y. Ce soir le monde dort. C'était donc Muse avec le titre Resistance. J'adore. Et moi, je voudrais vous parler des 24 heures qui vont se passer à Moucron les 28, 29 et 30 septembre. Alors ouais, c'est vachement connu les 24 heures de Moucron, c'est quoi le principe ? Ouais, donc c'est la 40e année, en fait, c'est des personnes qui, ben, pendant 3 jours, ils marchent, ils courent. Bah, c'est 24 heures. C'est 24 heures, c'est 72 heures. Ouais, voilà, mais enfin bref. La peau, comment la déstabiliser ? Alors, les 24 heures, effectivement, donc c'est quoi ? Ouais, donc c'est les personnes qui marchent, qui courent, enfin, qui font un parcours pour un projet, en fait. Et cette année, c'est le projet Jaoula Palestine. Donc, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Jaoula, non. Donc, c'est en fait, c'est un rassemblement de musiciens qui jouent de la musique arabe et européenne. Donc, ils donnent des concerts à travers la Palestine, les pays arabes limitrophes, en Europe et aux États-Unis. Et en fait, ils ont choisi ce projet pour pouvoir leur payer les instruments, les tournées, parce qu'en fait, ils donnent des concerts gratuits, donc pour la solidarité, les choses comme ça. Et cette année, ceux qui vont passer, c'est les... Alors, je connais pas du tout, les Puppet Masters. Puppet Masters. Voilà. Oui. Mastaz. Mastaz. C'est pas un tribute de Metallica ? Non, c'est un groupe de hip-hop allemand des années 90. Ah, d'accord. C'est pas un tribute de Metallica. Et ils sont représentés par des marionnettes. Oui, ah, alors, ça peut être sympa. Coup, ouais, peut être voilà. Et ensuite, c'est les Magic System qui vont venir aux 24 heures. Ah oui. Donc voilà. Concert des Magic System. Donc il y a des préventes qui sont dispo jusqu'au 26 septembre. Donc les préventes, c'est 27€ et sur place, c'est 32€. Et les personnes qui veulent aller, donc les préventes, il y en a au Marius Taquet, la Table des Mi, Café de l'autre côté, enfin un peu partout. Quoi. Voilà. Donc, une fin de soirée, DJ 7K. Voilà, c'est voilà. Ça. Eh bah écoute, une bonne info, donc bah, il reste encore un mois, donc précipitez-vous pour aller voir Magic System. Ouais, Magic le vendredi 28. Et ben, et on va continuer en musique. Attends, j'ai une question, par contre, excuse-moi, les musiciens pour lesquels ils se battent sont là et jouent ? Non, en fait, ils font ça pour l'association et ça part en Palestine. D'accord. Ok, d'accord. Okay, ça, vous venez d'entendre l'animateur qui est en dehors. Alors, moi, c'est ça. Je viens de l'endormir. Je profite des quelques secondes qui restent pour vous saluer parce que moi il faut que je m'en aille. Je suis désolé, mais en tout cas je serai à l'écoute. Pourquoi tu le dis en chantant ? Je suis désolé. Il y a beaucoup de changements d'ailleurs. Il y aura peut-être un changement de date pour l'émission dont nous parlerons à nos auditeurs. Absolument, il y aura pas mal prochainement. De changements. Voilà. Charles de Vruit. Absolument, je suis atteint de Chaznavrit. Charles Aznavrit. D'ailleurs, on salue Charles au passage. Ouais, voilà. On le salue, voilà. En tremblant. Pardon. Et quelques années plus tard. Bon, en tout cas, portez-vous bien et puis à la semaine prochaine. Donc, bien sûr. Bah écoute, rentre bien pour tes nouvelles aventures. Elles se passent bien ? Oui, bah vous. On pourra en dire un mot un jour. Hein. Ah, peut-être. Ah, oui, ah, peut-être. Allez. Eh ben, on se retrouve tout de suite après. Tiens, Kate Ryan avec Désenchanté. C'était une reprise de Mylène Farmer par une petite belge. Et on reviendra avec Anastasia et I'm Not Alone. I'm Not Alone. I'm Not Alone, set me free. Ouais. Bah, laisse chanter Anastasia. Non, lui, il fait l'anesthésier. Nager dans les eaux troubles des langues. See la fin. Flotter dans l'air trop lourd du presque rien qui tombe. C'était donc Anastasia avec I'm Out of Love. C'était son premier titre, ça. C'était le premier. Ouais, c'était son premier titre. Ah d'accord, ça date de 2000. Tu m'apprends quelque chose. Et à l'époque, je pensais que c'était une black qui chantait. Parce qu'elle a vraiment une voix de black. Ouais, en fait, tessiture et. Ouais. Alors, sans transition, je vais. Ah, tu veux que je fasse une transition? Ah non, ça, c'est pas Chewbacca. On va parler de film alors. Oui, c'est ça, on va parler de film. Je vais vous parler des sorties donc pour demain pour la France et la Belgique. Je vais commencer par la Belgique avec le film Dog Days avec Vanessa Hudgens, Nina Dobrev, Adam Pally. Et c'est un film de Ken Marino. On n'a pas encore de date pour la France, mais donc c'est en gros le film se passe à Los Angeles et on y découvre des personnes qui se retrouvent liées grâce à leur compagnon canin. C'est des histoires en fait qui tournent autour des chiens, des. D'accord. Des différents. Non, ça a l'air sympa. Franchement, oui. j'ai vu, ça a l'air sympa. D'accord. Oui, forcément, pour ceux qui aiment les chiens. Ensuite, il y a le film Guy qui sort également en France pour ceux qui aiment les Guy. Demain. Oui. C'est un film de Alex Lutz et avec Alex Lutz, pardon. C'est également avec Tom Dingler et Pascal Arbillot. Et donc c'est Gauthier qui est un jeune journaliste qui apprend que par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamais, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire dans les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide donc de le suivre, caméra au point, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire. Bah écoute, celui-là, je vais aller le voir parce que j'ai vu, pas l'avant-première, mais un peu le casting, il expliquait. Trois heures pour se maquiller chaque jour parce qu'en fait, il interprète son propre rôle, mais il doit avoir dans les 30 ans. Et en fait, il part en avoir 60. Et donc, il joue le rôle, évidemment, du fils et du père. Et c'est assez formidable. Ouais, avec les maquillages sont formidables. Ça a l'air vraiment bien foutu. Puis ça a l'air d'être chaud, hein, je pense, les rapports entre le père et le fils. Ça, je vais aller voir. Je crois que c'est un bon film d'auteur. Ensuite, je vais vous parler d'un film. Alors, c'est, on va dire, le blockbuster. C'est Keen, le commencement. C'est Netflix qui produit ça. Oui. Donc, c'est avec Miles Truitt, Zoe Kravitz, qui est la fille de Lenny Kravitz, James Franco. C'est un film de Josh et Jonathan Baker. Ça sort en Belgique le 19 septembre. Et donc, c'est Ellie, qui est un jeune adolescent de Détroit, qui erre dans une usine désaffectée où il découvre par hasard une arme surpuissante d'origine inconnue qu'il ramène chez lui. Mais passé l'amusement, Ellie réalise qu'on ne soustrait pas impunément une arme aussi redoutable. Il se retrouve recherché par des criminels, par le FBI et par ceux qui semblent être les propriétaires légitimes de l'arme futuriste. Accompagné de son grand frère et d'une jeune danseuse, Ellie n'a d'autre choix que de fuir, emportant avec lui un seul bagage, cette mystérieuse arme. Voilà. Ouais. Ils en font un battage énorme, ce film-là. Oui. Je sais pas, moi j'aime bien qu'il y ait un gamin qui joue... Alors c'est son premier rôle au cinéma. Ouais. Il faut, enfin, à mon avis, il devrait y avoir des suites parce que ça a déjà normalement, c'est censé être en plusieurs parties. Ils n'ont pas encore parlé qu'il y aura une suite, mais je pense que si le film fait un bon succès au box-office, il y aura une suite qui sera très vite développée. Il y a une écriture là-dessus, enfin ça devient un roman. C'est Josh et Jonathan Baker, oui, qui sont des auteurs pour Netflix. Ah oui, d'accord. Qui ont fait, je sais plus c'était de quelle série, et c'est Netflix qui a racheté ça en disant oui, ça il faut qu'on le produise au cinéma. Ils commencent à en produire Netflix, hein. Aussi où tu vois Netflix apparaître, mais c'est bien. Finir avec un film français de Marion Vernou qui s'appelle Bonhomme. C'est avec Nicolas Duvauchel, Anna Girardot, Béatrice Dalle. On n'a pas encore de date pour la Belgique. Et il y a également Laurie Leliette. Laurie Leliette, vous le connaissez peut-être pas, mais Mike, qui vient régulièrement ici, le connaît très bien, vu que c'est le président c'est le président en fait de l'association Théâtre Évasion de Roubaix. Je pense que c'est le trésorier de l'association Réveil pour les traumatisés crâniens dont vous avez parlé. Absolument. Et Bonhomme justement parle de ça. Donc c'est la vie de Piotr et Marilyn, qui est un jeune couple de la banlieue lilloise, qui va être bouleversé suite à un accident de voiture. Traumatisé crânien, Piotr, s'il garde son physique avantageux, n'a plus toute sa tête. Tantôt matou apathique, tantôt fauve en rut, à l'hypersexualité débridée. Pour Marilyn, convaincue que son amour pour lui peut le sauver, c'est le début d'une épopée menée vaille que vaille et cul par-dessus tête. Ouais, d'accord, bon, bon genre. Alors, et il faut savoir que Laurie Leliette, donc son beau-père, est traumatisé crânien et c'est lui qui a aidé en gros Nicolas Duvauchel à prendre son rôle en fait, à rentrer vraiment dans le personnage. D'accord. Bon bah écoute, moi je sais pas, Marine, qu'est-ce que tu en penses? Bah j'hésite entre Bonhomme et avec Zoé Kravitz, c'est ça? Avec Keen, le commencement, d'accord. Ouais. D'accord. Voilà, j'hésite. T'hésites et donc? Et donc j'hésite, je sais pas. D'accord, merci Marine. Moi je l'ai dit, toi Sherlock? Moi je vais aller voir Keen, je pense. Parce que ça me paraît pas mal. Franchement, j'ai vu la bande-annonce, ça me paraît vraiment sympa. D'accord, bah écoute. Donc ça c'était les films pour la Belgique? Non, pour la Belgique et pour la France. Et pour la France, d'accord, ouais. Ok, très bien. On continue un peu en musique, on revient après ça. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Avec Soul et featuring Charlie Winston avec Dusty Man. Mmh. Et on reviendra avec Pink et Beautiful Trauma. Ah, ça c'est très bien. Oui. C'est très très bien. Ou là-bas c'était moyen. Ouais.

same dream. After we were high in the love, don't tell it was you. The pill I keep taking, the nightmare I'm waking. There's nothing, no nothing, nothing but you. My perfect rock bottom, beautiful trauma. My love, my love, my drug. La musique que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. C'était Pink avec... Avec de la musique derrière. J'aimais bien. Beautiful Trauma. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Beautiful Trauma. Mais c'est bien. C'est sympa, Pink. Hein. Oui, après, voilà, après, tout le monde aime ou n'aime pas. Ah, voilà. Alors voilà, pour on approche doucement de la fin de l'émission. On a encore un petit quart d'heure avec vous. On espère que vous passez une bonne soirée. Vous êtes toujours dans l'émission 120 au... Au compteur. Oui, pardon, non, je lisais en même temps un article. Oui, je vais vous parler, c'est d'un grand événement qui va se passer du côté de Moucron pendant la fête des Hurlus. C'est au Delta, donc à Herzo, hein, proche de Moucron. Et voilà, il va y avoir une très très belle scène le 5, 6 et 7, donc vendredi, samedi et dimanche du mois d'octobre. Hein, donc c'est pas en septembre. Hein. Et donc il va y avoir de nombreux artistes, dont certains que nous avons déjà reçus ici. Le sosie aussi vocal et physique de Johnny Hallyday. Donc écoutez bien, parce que si vous connaissez Marco, très très très bon chanteur qui se produira donc le samedi. Voilà, il y aura aussi Richard Alexandre que nous avions reçu, qui est le champion d'Europe. Il y aura Thibauti. Oh, bien. Voilà, il y aura Pat aussi. Donc Pat, pour ceux qui le connaissent, dans le personnage moucronois, interprète, et pas que, mais très bien, Patrick Sébastien. Et dans le meilleur sens du terme, parce que souvent du ouais, c'est du baloche. Non, il chante très bien et puis il est très festif, c'est génial. Il y aura aussi Pamela Ella et Blue and the Soul Brothers qui seront là, donc il y aura nombreux artistes, et Gibbs Vocali aussi qui se produira le vendredi et le samedi aussi. Donc les affiches, c'est simple pour trouver, c'est la Delta Fête. Donc la Delta Fête, vous tapez sur Facebook et puis bah, ça va créer le buzz. Et il y aura aussi surtout Stéphache, le DJ Stéphache de RLM, qui sera présent le vendredi soir pour vous mettre le feu et faire une soirée 80-90. Ah, et excellent. Il y aura aussi Harry. Et oui, Harry de RLM, donc qui vient de nous quitter là il y a une dizaine de minutes, qui sera l'animateur vedette, voilà, de cette soirée. Voilà, j'y serai aussi, moi j'irai passer du bon temps avec les copains là-bas. Voilà. Et on en reparlera, on recevra. Ouais, il va y avoir du monde de cette. Il va y avoir du monde, on attend à peu près plus de 1000 personnes. Et ça se passe Oui. C'est sous chapiteau, c'est entrée gratuite, il y a 8 artistes, il y a bar, il y a restauration. Restauration, il y aura chicon gratin, ou alors il y aura aussi hamburger. Il y aura de tout. Voilà. Pourquoi je dis nous, puisque je participe à cette fête, hein, et voilà, avec le comité, et puis ça nous tient à cœur. Et ça va être vraiment bien pour relancer le Delta. C'est un lieu emblématique, hein, de Herzo, qui renaît de ses cendres, puisque tout a été refait de la cave au grenier, comme on dit, et c'est très très très sympa. Voilà, mais on en reparlera. Il y aura Guy, que nous avions déjà reçu, qui est aussi l'instigateur du projet, qui passera dans notre émission pour en parler avec certainement certains artistes. Voilà, voilà. Ok. Marine, t'as rien à rajouter ? Ça se passe du soir ou c'est toute la journée ? Alors ça commence le vendredi à midi en fait, avec l'inauguration, où il y aura Gibbs Vocali, Pamela Ella et Antonio, j'ai oublié Antonio, qui se produiront. Et donc il y aura ensuite Stéphache, le vendredi soir, et le samedi ça recommence à midi avec Blue Lebay, Gibbs Vocali, Marco. Voilà, et sans oublier surtout aussi l'orchestre Sébastien, parce que j'en parle en dernier, je ne l'avais pas oublié, donc qui va mener du vendredi au dimanche la fête aussi, qui va jouer régulièrement, avec Christopher aussi qui présentera Perfect Party, qui est une école de danse qui sera intégrée maintenant au Delta. Voilà, et si le Delta nous écoute, je sais qu'ils sont fans de RLM, bah je leur passe un groupe ou tout. Voilà. On leur passe le bonsoir. On leur passe le bonsoir.

to do so. FM. RLM. Et oui, vous êtes toujours sur la radio qui accroche vos cœurs. J'adore ces slogans comme ça. Donc oui, tout à l'heure en antenne, Marine me parlait de Richard Alexandre. Et c'est vrai qu'effectivement, oui, c'est la personne que nous avions reçue, qui est champion d'Europe de chant. Donc ça s'est passé en Crète et qui va défendre les couleurs de la France au championnat du monde qui s'appelle le Icing à Paris. Donc si ça intéressait des gens, parce que ça serait bien de le suivre. Il faut savoir qu'on défend les couleurs. Là, on est en Belgique, mais il y aura aussi une équipe belge et il y aura bientôt l'Euro. Ok, les championnats d'Europe 2019 qui se passeront aussi en Belgique. Mais pour l'instant, c'est le Icing champion du monde, donc championnat du 18 au 23 septembre à Paris. Alors il faut s'y rendre évidemment, mais par contre, voilà. Et la marraine sera Gentel. Voilà. Et j'ai la chance et l'honneur d'être le représentant, le manager de l'équipe de France. Donc on va aller là-bas. Oui. Je me suis bien éclaté là-dessus. Et puis donc on va gagner. Il y a Claire et Victor aussi qui nous écoutent, qui sont en duo, dans la catégorie duo. Il y a Amandine Duos qu'on avait reçu aussi, si tu te souviens, Sherlock, un comédie musicale Herzébec, t'es oui. Dombreux et de sang, voilà, qui a été sélectionné, qui représentera la France dans les championnats du monde avec une voix formidable. Mais je vous ferai le buzz d'ici deux semaines parce que j'ai pas encore tous les éléments précis. Voilà. Ok, bon, on va s'écouter juste un tout petit titre, ensuite avant on se dira au revoir. Avec Chaka Ponk, My Name is Stain. Your name is Stain. To the west. c'était Chaka Ponk avec My Name is Stain. Ouais, c'est la base, en fait, ça me faisait penser à Cambodja, King Wild avec les tontontoum, tontontoum, tontontoum. Ouais. C'est très années 80, en fait. Exact. C'est très années 80. C'est de quand, ça? À Vinet? Ça date de 2012. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, tu vois, comme quoi. Comme quoi. Eh oui, Marina, tu as 3 ans. Et il nous reste à peine plus d'une minute pour se dire au revoir. C'est vrai, ça va être long. Ouais, ouais. Faisons. Non. Ça, c'est adieu, donc on va se dire. Tu nous disais que c'était la journée du salut aujourd'hui. Non, pas du salut, du sein nu. Ah, du sein nu, oui, j'ai c'est compris. C'est la journée salut. Des seins nus. Ah, moi je disais salut à tout le monde, moi. C'est la journée c'est internationale des seins nus. Mais c'est vrai qu'il va y avoir des journées sur tout, quoi. Ben ouais. Non, mais ça devient. Surtout n'importe quoi, surtout. Surtout n'importe quoi, ouais. Bon, bah écoute. Hein. Écoute, oui, bah voilà, on va vous souhaiter une bonne soirée. Pour ma part, j'ai passé une très très bonne émission. Donc oui, on vous le signalait, il va peut-être avoir un changement d'horaire, voire peut-être 2 jours pour notre émission plus tard. On vous en parlera plus tard. Ça restera au même horaire, je crois, hein, mais oui, peut-être pas le même jour. Ouais, voilà, mais pour l'instant, voilà. En temps et en heure. En temps et en heure. Donc voilà, on va vous poster aussi la photo des 24 heures de Moucron dans la chronique Bad Marine. Comme ça, vous retrouverez tous les éléments. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous pour ma part et on se retrouve à l'antenne mardi prochain. Ouais, ça marche. Bah écoutez, à mardi prochain, restez sur l'antenne parce qu'il y a toujours de la bonne musique. Enfin, vous pouvez descendre RLM, vous coucher. C'est toujours aussi bon et on se retrouve donc mardi prochain, 20h, 22h. Allez, ciao, ciao. Salut Sherlock, salut Marine.